Mardi 29 janvier, bienvenue à l'aérospatiale. Gilles Gagné avec vous pour cette deuxième émission de cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on va faire un tour au mois multi. En fait, on est un peu d'avance, mais ça commence le 1er février. Et pour en discuter, on rencontre Viviane Paradis, qui en est la directrice artistique. Anouk Desloges nous parle de l'exposition. Elle nous parle de l'exposition de John Boyle Singfield au lieu. On discute également avec Vincent Roy, directeur artistique d'Ex-Muro, qui nous présente Projet Zéro, qui est le projet de l'organisme, que l'organisme présente dans le cadre du Off Carnaval. Et également, Simon Roy, est-ce qu'il est avec nous, Simon? Oui, je suis là. Bonjour, je n'avais pas vu la petite lumière flashée qui annonçait ta présence. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Cette semaine, tu nous parles de Tone. Oui, c'est le pseudonyme de Tony Ober. Donc, c'est un artiste qui vient de Tempe, en Arizona. Un album très mollo cette semaine. J'avais envie de me reposer les oreilles. Donc, un album assez contemplatif, idéal pour la lecture ou activité vraiment tranquille. Peut-être que les extraits rendront pas justice à l'album. Il faut vraiment l'écouter d'un bout à l'autre. C'est vraiment une expérience vraiment merveilleuse. Son album s'intitule Pattern Recognition. C'est publié sur l'étiquette espagnole Audio Talaya. C'est une étiquette qui a quand même une soixantaine d'albums à son actif, tout en téléchargement gratuit. Donc, un album à découvrir, selon moi. Excellent. Simon, nous, on peut t'écouter le dimanche à 20h. Oui, toujours pour Web Music. Je vous offre toujours le meilleur de la musique gratuite sur les internets. Et voilà. Donc, on s'en va en pause audio. On écoute In the Basement of the Alamo. Au retour, on discute Revue de presse avec Raymond Poirier. C'était un extrait de la pièce In the Basement of the Alamo tiré de l'album Pattern Recognition de Tone, une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, la suggestion et toutes les pièces qu'on va entendre sont disponibles en téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com ainsi que les articles de la revue de presse de Raymond Poirier que j'accueille à l'instant. Bonjour Raymond. Bonjour Julie. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Et le milieu des arts visuels, lui, il va comment? Ben, en fait, à Québec, on parle de la disparition d'un élément de diffusion qui existait depuis quand même un certain temps. En fait, c'est qu'à la suite suite de l'adoption du budget 2013, la Ville de Québec a pris la décision de ne pas renouveler la subvention qui était accordée pour le maintien et l'animation de l'autocar des arts visuels. Alors, l'entente qui était prise avec la Manifestation internationale d'art de Québec pour la réalisation du projet va prendre fin le 31 août 2013. D'ici là, bien évidemment, il y a encore quelques sorties et projets qui sont à l'horaire, mais ce seront donc les derniers projets. On sait que l'objectif de l'autocar, là, c'était vraiment de rendre la culture plus accessible aux citoyens, donc d'avoir une mini-exposition dans un autobus qui se déplaçait à l'intérieur d'événements, les expositions qui étaient toujours accompagnées également d'activités de d'accès à l'art, de médiation. Donc, c'est un outil qui disparaît. Est-ce qu'on l'avait exploité à son plein potentiel? Est-ce qu'il y aurait autre chose qui aurait pu être pu faire avec ça? Est-ce qu'on aurait dû le garder au budget? Ben, c'est des questions qu'on peut se lancer, évidemment. Mais dans tous les cas, ça reste quand même une triste nouvelle. Oui, effectivement. Mais la perte d'un lieu de diffusion, je veux dire, après Zara également qui est parti, on a l'autocar. Donc, c'est différents lieux avec des mandats quand même assez précis, donc qui disparaissent du panorama d'art visuel de la capitale. Si on élargit un peu à la sphère mondiale, je te parle sporadiquement, Julie, ici à l'aérospatiale, du marché de l'art qui voit émerger donc le marché asiatique. Et je suis tombé sur un article assez intéressant dans Art Market Insight qui essaie de mettre ça en perspective et qui nous dit que oui, donc il y a émergence de l'Asie, mais que cette émergence-là vient changer au-delà même du développement du pôle asiatique l'équilibre du marché de l'art. Donc ce qu'on faisait remarquer, c'est que de manière générale, souvent, c'était centré sur quelques villes, en fait, par exemple Londres, New York, et avec donc l'émergence du marché asiatique, eh bien, il y a des nouveaux centres qui se sont développés de ce côté-là, et ce que ça a fait, c'est que ça a aussi fait éclater l'écosystème du marché occidental également. Donc, dans la mesure où, comme il y a des nouveaux pôles qui ont pris prédominance, les pôles traditionnels ont diminué un peu en importance et ça a permis un renforcement de pôles qui étaient des pôles secondaires jusqu'à récemment. On peut penser à des villes comme Singapour, Bruxelles, Jakarta, Amsterdam, Melbourne, Taipei, Tokyo, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça risque à terme, si l'effet demeure, mais de permettre aussi l'émergence d'un marché peut-être un peu plus régional dans le milieu des arts et donc de permettre à d'autres artistes, d'autres œuvres de faire leur chemin vers des ventes aux enchères et de faire leur chemin vers les hautes sphères, si on peut dire, du marché de l'art. Alors, ce serait une tendance à surveiller et donc en lien avec l'émergence et le renforcement du marché asiatique. Eh bien, c'est intéressant. Oui. Et l'article complet est assez édifiant d'ailleurs. Ce sera en ligne demain, donc sur l'aérospatiale.wordpress.com. Et puisqu'on parle de marché et d'argent, ben, on n'en sort pas difficilement, malheureusement. Et il y a le gouvernement québécois, le gouvernement de Pauline Marois, qui a lancé un groupe de travail qui lui aura pour mandat d'inciter individus et entreprises à se faire mécènes dans le domaine culturel. Donc, essayer de voir de quelle manière là on pourra renforcer le mécénat privé et citoyen envers donc des institutions culturelles. Et ça, c'est un peu en lien avec notamment là le milieu des arts visuels. L'annonce elle-même a été faite au Musée des Beaux-Arts de Montréal, donc on l'a quand même raccroché un peu à ce milieu-là au départ. Et ce qui justifie un peu aussi cette mesure-là, au-delà la volonté de trouver des nouveaux appuis pour le milieu culturel, c'est la réalisation que le niveau des dons au Québec accuse un retard par rapport à ce qui est observé ailleurs au Canada. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on est en retard, puis de quelle manière pallier à ce retard-là. Ben, souhaitons que ça fonctionne bien. Ben oui, exactement. En fait, je pense que ça peut être des mesures qui se réalisent et qui se font. On l'a vu notamment au Musée des Beaux-Arts du Québec, ici à Québec, où il y a quand même beaucoup de fonds privés qui ont été recueillis pour le développement de nouveaux pavillons et ça a été instrumental dans le développement de cette aile-là. Et de quelle manière, ben justement, des initiatives comme ça pourraient faire boule de neige aussi. Et puis développer un peu plus la philanthropie, oui, au Québec. Exactement. Et certes pour des institutions muséales plus traditionnelles, mais également de quelle manière aussi, ça, on peut faire rebondir ça vers de l'art nouveau, de l'art actuel, des centres d'art, des événements un peu plus hors normes, de l'art audio, de l'art multimédia, etc. Donc, de quelle manière on peut permettre ces renforcements-là? Alors, c'est quand même un dossier à suivre, là, ça, c'est clair. On le met dans la pile. On le met dans la pile. Et deux petites vites en terminant, simplement pour mentionner, on vous avait parlé il y a quelques mois de galeries et institutions montréalaises qui avaient été en visite à Brooklyn. Et maintenant, en fait, il y aura donc à Montréal le retour, le match retour, donc des institutions brooklynoises qui iront présenter leur travail dans des galeries de Montréal. Alors, si jamais on passe par Montréal, ben au fil des prochaines semaines, on pourra peut-être donc découvrir le travail d'artistes berlinois. Et enfin, décès, je le mentionne au passage, de la designer André Putman. Elle s'est spécialisée en design intérieur et on l'associe également à certains projets d'aménagement de musées, notamment Musée d'art contemporain de Bordeaux et autres. Et c'est une figure qui a marqué la manière dont on présente et on intègre et on développe les espaces intérieurs là, de représentation. Donc, plusieurs médias en faisaient mention et nous le faisons aussi. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On t'écoute vendredi. Vendredi pour une autre édition de La Vie en BD. Voilà, on s'en va en pause audio. On écoute Odd Splicers. Au retour, on discute avec Viviane Paradis du mois Multi 14. C'était un extrait de Odd Splices de l'album Pattern Recognition, une suggestion de Simon Roy. Vous écoutez toujours l'aérospatiale et j'accueille à l'instant Viviane Paradis, directrice artistique du Mois Multi. Bonjour. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et là, vous devez être fébrile aux productions Recto Verso, Mois Multi, tout ça, là, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est jeudi que ça commence, là. Oui, oui, tout à fait. Les artistes ont commencé à arriver depuis dimanche aussi. Alors, c'est sûr que là, on est dans le concret, c'est excitant. Dans le travail de logistique, dans le jus, etc. Dans l'installation, dans la technique, dans les dernières questions, parce qu'on a des projets en création aussi qui commencent avec le Mois Multi, alors en phase de création, même pour certains projets, alors c'est sûr que c'est excitant en ce moment. Donc, on jongle un peu là sur la... Oui. On jongle tout en étant funambule sur la mince ligne. C'est ça. Cette année, la thématique, c'est l'espace. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette thématique-là? Okay, ben, c'est une thématique, je te dirais plus, c'est une question, un axe directeur que je me suis donné, hein, parce qu'il y a pas, on a eu par le passé le Mois Multi, vraiment des grands intitulés thématiques pour chacune des éditions, mais encore cette année, on voit pas le TC Marc, on en parle. C'est plutôt un axe directeur parce que je trouvais que c'est une question qui revient souvent dans les pratiques artistiques contemporaines, surtout dans les pratiques multidisciplinaires et électroniques. On la questionne beaucoup, l'espace. On va surtout le métamorphoser, on va le transformer, on va le détourner par des moyens technologiques, par des relations différentes avec le spectateur, etc. Alors c'est riche, je pense, pour donner un point de vue qui va traverser différents projets de performance, de théâtre multidisciplinaire, de cabaret audio, d'installation. Alors, ça donne un peu un angle d'attaque à tout ceci. C'est quelque chose, justement, qui s'incarne dans les différentes disciplines, mais qui aussi s'incarne de différentes manières. T'en parles aussi dans ton texte de présentation, l'espace intérieur, l'espace géographique, l'espace-ci, l'espace-là. Donc, j'imagine que pour le potentiel aussi de portée ou d'ampleur, ça doit être intéressant. Oui, on peut le voir vraiment de façon très, très différente. C'est comme ça que j'ai voulu l'approcher aussi. Là. J'aime beaucoup comment les artistes vont renouveler ce rapport-là. De toute façon, c'est que ce soit dans les dispositifs ou que ce soit dans la relation, comme vous dites, avec le spectateur, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, moi, Multi, de voir l'art comme une expérience, donc dans une relation différente au spectateur, pour le spectateur dans le cadre d'un projet. D'ailleurs, il y a un spectacle où le spectateur va carrément être appelé à participer à l'aide de son téléphone, je crois. Oui, on a quelques projets participatifs, voire même intrusifs pour le spectateur. Ah oui, intrusif. Oui, oui. Bon, on pourrait le voir comme ça aussi. Quand tu parlais avec le téléphone, ben c'est le concert participatif, le téléphone bien tempéré, qui va avoir lieu au Palais Montcalm le 9 février. C'est un concert gratuit, d'ailleurs, je tiens à le souligner. Parce que oh, c'est on quand aime même, ça, hein? Oui, ben oui, c'est un beau projet avec de la Société de musique contemporaine de Montréal. Alors, les compositeurs et le chef d'orchestre, c'est Walter Boudreau, avec la collaboration d'Yves Daou. C'est une pièce, Le téléphone bien tempéré, comme le pour ceux qui connaissent un peu la musique classique, qui s'inspire du premier prélude des fugues de Jean-Sébastien Bach, du clavier bien tempéré. Ben oui. Alors, c'est une pièce pour petite formation orchestrale et téléphone cellulaire. Alors, pour une fois, dans un concert, dans un spectacle, on vous demande pas d'éteindre votre téléphone avant que ça commence, mais au contraire, de le laisser allumer, parce qu'au moment opportun, il y a des gens qui vont vous indiquer quand est-ce faire sonner votre cellulaire pour participer à l'élaboration de la pièce en cours. Alors, c'est vraiment ce qui crée une dynamique vraiment relationnelle avec le spectacle en cours, ce qui crée aussi une spatialisation du son, parce que le public, bon, il y a les musiciens sur scène, mais le public disposé un peu partout dans l'espace, qui vont participer, différents groupes subdivisés qui vont participer à différents moments. Alors, je pense que c'est une expérience qui peut être pas mal intéressante pour apprivoiser la musique contemporaine, mais aussi des expériences participatives comme on les aime au Montmulti. Mais oui, quand même. Hein? Puis dans l'ordre de la participation, Stéphane Gladiszewski, je suis pas capable de dire. Gladiszewski. Merci, hein, je sais pas. On je suis l'appelle pas capable Glad, de c'est beaucoup plus simple. Bon, disons Stéphane, Stéphane Glad. Stéphane G. Souvent, il signe Stéphane G. Ah ouais, oui. Ça fait un petit peu moins compliqué pour oui. nous qui le débaptisons constamment. Oui, lui, oui. Il propose un tête-à-tête avec un inconnu. Oui, oui, c'est une performance pour un spectateur à la fois. Ça va avoir lieu la semaine prochaine, donc du 7 au 10 février dans le studio d'Avatar à Méduse. C'est un rendez-vous, donc, quand le spectateur est convié à rencontrer un inconnu. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette rencontre-là? Je veux pas non plus tout dévoiler. Mais non, on est vraiment en expérience tout en étant assis. On rentre tranquillement dans l'espace de l'autre. En fait, c'est ce qui se passe sans bouger de son siège. Le performeur entre dans notre espace physique, mental, et on rentre dans le sien aussi, dans des effets de miroir, par des détournements technologiques, mais aussi avec des techniques qui relèvent la prestigitation. Ça, ah je ouais? m'en ai dit aussi. Mais c'est toujours difficile à dire. Alors, on est un peu dans ce registre-là. À part au corps aussi, parce que Stéphane, à la base, est un danseur et chorégraphe, mais qui, depuis plusieurs années, mène un travail de rapport au corps et à la technologie, et surtout par rapport à la vidéo. Il a fait beaucoup de travail avec des caméras thermiques, entre autres. On est moins dans ce registre-là avec tête à tête, mais on est dans un rapport très fin au corps puis à l'espace de l'autre. Et dans un autre ordre d'idées, moi, c'est quelque chose que j'ai bien hâte de voir. Il y a Diane Landry qui nous présente une performance Brise-glace. Je crois que ça fait un certain temps qu'elle n'en avait pas présenté à Québec, il me semble. Oui, ben là, je pense que la dernière fois qu'elle a présenté une création à Québec en performance, ça avait été le Parapluie, d'ailleurs au Montmulti, il y a plusieurs années. Ouais. Ce qui est intéressant de Brise-glace, Diane, son travail de performance, on a plus vu ses installations ces dernières années, mais elle a le travail de performance de longue date où elle est toujours en arrière-plan, c'est les objets qu'elle va manipuler, qu'elle va sonoriser ou des effets de lumière. Cette fois-ci, pour la deuxième fois ou la troisième fois dans son travail seulement, elle se met en scène elle-même. Elle se met en danger, finalement, vraiment une relation au corps, dans un espace assez singulier. La performance doit avoir lieu trois soirs de 19h à 21h dans la galerie d'Engram à Méduse. Pour ceux qui connaissent pas Engram, c'est ce que j'appelle souvent la pointe de Méduse du Grand. On peut le voir un peu comme un paquebot, mais juste des fois un petit peu avec sa forme qui avance vers la côte, qui descend la côte d'Abraham. Donc, c'est la pointe et c'est vitré de trois côtés. C'est ce que Diane veut vraiment utiliser, cette idée de multiplicité de points de vue dépendant où est-ce qu'on est, sur la côte d'Abraham, sur la rue Céréale, à Hauteville. Donc, nous, on va être à l'extérieur pour la regarder. C'est ça. On est à l'extérieur pour regarder. C'est une performance qui n'a pas de début ou de fin. On parle plutôt d'un tableau vivant, voire même, je dirais, un tableau mouvant, comme elle aime bien dire, le mouvant comme dans en mouvement. Diane va être suspendue dans un canot. Alors, Diane va ramer, va bouger, mais va pas bouger. Elle va essayer de descendre la côte. Elle sera pas... Qu'est-ce qui va s'y passer exactement? C'est un moment, un peu un instant féerique qu'elle veut nous faire participer. Ou est-ce qu'on va la découvrir un peu par hasard? On y assiste, mais comme je disais, il n'y a pas de début, de fin. Hein? C'est un tableau répétitif et tout, avec un effet de lumière pour recréer l'eau. Alors, c'est d'où toute la beauté de la chose de la voir de différents points de vue dans la côte de toutes les rues, la rue du Parvis, etc. Alors, je pense que ça va être un beau moment à vivre, qui va un peu surprendre aussi, comme un peu un phare dans la ville, avec les effets de lumière qui vont recréer l'eau qu'elle veut faire. Puis c'est intéressant, justement, parce que là, ça fait comme une vitrine aussi pour le mois de multi, étant donné que là, je pense qu'il n'y a pas les nuits numériques cette année. Non, on n'a pas les nuits numériques, malheureusement, cette année. Là, ça aurait été... On aurait bien aimé, mais voilà. Il y a des fois des choses qui ne sont pas possibles. Et puis en même temps, ben, tu sais, ça peut interroger les passants, là, oui, comme oui, ça. Là, peut-être que là, on en entend parler, on l'oublie, oups, on passe dans la rue, puis on est un peu surpris. T'as aussi décidé de faire venir le collectif allemand berlinois Gobs Squad. Oui, Cop Squad. Hein, tu t'en parles presque avec une grande oui, affection. Oui, ben, j'ai très hâte parce que c'est vraiment, c'est un collectif, ben, c'est ça, qui sont basés à Berlin, mais qui sont aussi à moitié anglais, de Nottingham en Angleterre. C'est un collectif très, très dynamique. Ils font vraiment, moi, j'aime beaucoup leur type de théâtre multidisciplinaire, basé sur des, vraiment, c'est sur, beaucoup sur l'improvisation, mais qui se mettent dans des situations, qu'elles soient in situ ou non, qu'elles soient dans un contexte hors les murs ou non, mais toujours avec cette idée de cinéma en temps réel. Hein. Ils utilisent beaucoup la caméra vidéo, la projection, mais c'est jamais du data qui est déjà enregistré. C'est ce qu'ils vont faire en temps réel. Ça donne un effet un peu de distanciation alors qu'on est en plein dans le live. Ils travaillent beaucoup de cette façon-là. Leur défi cette fois-ci avec Gob Squad Kitchen, c'est qu'ils vont nous refaire en temps réel le Kitchen, le film emblématique de Andy Warhol des années 60. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ce film? Ou est-ce que c'est plus des situations, des dialogues? Je ne sais pas si tu as déjà vu le film de Kitchen. Non, alors, je l'ai d'ailleurs, pas vu. Tu pourras le voir si tu veux, parce que nos collaborateurs Antitube vont présenter Kitchen à la cuisine. Le film, d'ailleurs, en 16 mm, là, sur bobine. Donc, à la cuisine, ça va être le 9 février, je crois, le samedi. Oui, c'est ça, parce que le Gob Squad, c'est le 8 et le 9 février. Puis le samedi, à vers 6 heures, venez prendre un verre à la cuisine si vous voulez voir le film original. Avant de voir l'interprétation. Je suis genre de le voir après d'avoir vu le show, idéalement, parce que c'est ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien de voir qu'est-ce qu'on va faire, parce que c'est de voir aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, Kitchen? Oui, j'ai dit que c'était emblématique de ce qu'on appelait les Swinging Sixties. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, maintenant, de refaire Kitchen, de refaire les mouvements de danse, l'attitude, les rapports hommes-femmes, etc. Alors, c'est et quelles surprises vont-ils nous réserver aussi? Parce que Gob Squad a l'habitude de faire, de immiscer le spectateur dans ses projets. De quelle façon va-t-il le faire dans le cadre de Gob Squad Kitchen? C'est ce que je vous invite à venir essayer. Pour voir aussi si on va nous-mêmes être intégrés dans le projet. Bon, il y a les spectacles, on pourrait en parler encore. Il y en a plusieurs autres. Là. C'est quand même quoi? C'est les deux premières semaines du mois? Essentiellement les deux premières semaines. On a quand même avec Diane à la mi-temps du mois du 14 au 16, puis aussi un projet au Grand Théâtre avec l'Orchestre symphonique de Québec là, le 20 février. Mais le mois multi, c'est aussi toute une série d'installations. Oui. Et cette année, pour la première fois, vous collaborez avec la Galerie des arts visuels. Oui, on commence, c'est la seule installation qui est dès le début du mois. Pardon, que le vernissage est un petit peu avant le lancement du mois multi, c'est à 18h, le vernissage est à 16h30 à la Galerie. C'est à l'artiste ontarien Gordon Monahan qui va venir nous présenter une installation sonore qui s'appelle Platinum Resonant Records. Alors, c'est une douzaine on pourrait dire de disques, parce qu'ils ont vraiment l'air de nos bons vieux vinyles, disques vinyles, mais ce sont des plaques de métal qu'il a fait faire, donc on fait encore les sillons et tout, qui sont suspendus dans l'espace. Que deviennent ces disques-là? Ils sont suspendus donc sur des cordes de piano, sur lesquelles il y a des petits moteurs qui font un effet de frottement. Et le disque devient le haut-parleur, en fait. Alors, c'est toute une composition, une spécialisation du son, mais c'est aussi une composition sonore qui est faite avec ces douze éléments disposés dans la Galerie des arts visuels. C'est assez fascinant. C'est vraiment une composition très, très fine qu'on donne une approche du son que j'ai toujours beaucoup appréciée parce que c'est un compositeur, c'est un pianiste de formation, mais il a tout fait un travail depuis, ça fait quoi, 30 ans qu'il roule, Gordon, quand même. C'est un des grands artistes canadiens dans l'art sonore, faut le préciser. Où est-ce qu'entre autres, pour toutes les techniques de diffusion, d'inventer, là, il a fait beaucoup de réflexions autour des haut-parleurs à travers les années, puis qu'est-ce qui peut devenir haut-parleur, qu'est-ce qui peut être transformé, etc. Alors, c'est un peu ça, ce projet-là. Puis, bien entendu, il y a des projets à Méduse, notamment, je crois, à la bande vidéo et à la salle. Oui, à partir du 14 février, il va y avoir le vernissage de plusieurs installations, cinq installations, trois installations sur décès dans la salle Métis, ah oui, et une installation dans le studio d'Avatar, ainsi qu'à la bande vidéo, oui. Et bien entendu, on renouvelle l'expérience des cabarets audio. Oui, ben oui, alors, c'est toujours un beau moment de fin de soirée là, auquel on tient beaucoup au multi parce que c'est une belle façon de venir prendre un verre. C'est une activité qui est gratuite, puis de découvrir toutes sortes de champs d'expérimentation sonore. Hein, parce que ce sont pas des spectacles définis, les cabarets audio. C'est vraiment une plateforme qu'on donne à différents artistes d'expérimentation, d'improvisation. Cette année, je suis vraiment allée vers des projets qui sont plus autour des dispositifs, des objets sonores, de cette nouvelle lutherie numérique, souvent qu'on appelle aussi avec des objets détournés ou des instruments inventés, modifiés, synthétisés, utilisation de logiciels maison, etc. Alors, on est vraiment dans ce registre-là. Je parlais de Gordon Monahan, on en profite puisqu'il est à Québec. Ben oui. Il va venir faire un cabaret audio avec son projet, le Sauerkraut Synthetizer. C'est un synthétiseur dont les sources sonores proviennent de pickles, de légumes, de fruits et de choucroute. D'où le sauerkraut, donc. C'est ça, voilà. Et bon, parallèlement aussi, il y a toutes sortes d'autres choses, notamment il y a la gang de gars qui gravitent autour de l'orchestre d'un orchestre qui présente Coney Island, mon Dieu, je l'ai donc bien mal dit, Coney Island, Olantis, et oui. etc. Et toutes ces informations-là, on les trouve sur le site internet du Mois Multi. Oui. .org. Multi.org, tout à fait. Mais voilà, Viviane Paradis, directrice artistique du Mois Multi 14, merci beaucoup. Je t'en prie. Et ben nous, on s'en va en pause et au retour, on discute avec Anouk Desloges. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Le 9 février à 14h, le Palais Montcalm vous invite gratuitement à découvrir le meilleur de la musique contemporaine avec le téléphone bien tempéré. Grâce à la sonnerie de votre cellulaire, participez à la création d'une œuvre musicale inspirée de Bach. Un événement musical inusité où nous vous prions de laisser vos téléphones allumés. Le 9 février, vivez la musique à son meilleur avec le téléphone bien tempéré. Réservez votre place à la billetterie au 681-6040. C'est gratuit. Détails au palaismontcalm.ca. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Il est 18h précisément au moment où je regardais l'heure changer, n'est-ce pas génial? Julie Gagné toujours avec vous à l'aérospatiale, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Et la jante dame que vous avez entendu rire si gaiement, c'est Anouk Desloges. Bonjour Anouk. Bonsoir à tous. Tu nommes ton nom pour être sûr, c'est bien moi, je suis Anouk Desloges. Oui, c'est ça, ça fait longtemps qu'on s'est vu, je te le dis au cas que tu te rappellerais pas mon nom. Ben oui, c'est ça, toi, que je te reconnaîtrais pas non plus, ça. Mais qui est cette femme devant moi, je ne saurais pas. Il est écrit sur mon papier que c'est Anouk. C'est ça, exactement. Anouk, oui. T'es allée faire un tour au lieu? Exactement, j'étais allée voir l'exposition qui s'intitule Oblomov 3D de l'artiste qui s'appelle, je m'excuse si je prononce pas bien son nom, c'est John Boyle Singfield. Je pense que tu dis bien. Oui, c'est tu bien. Tu dis mieux que moi. Merci. Moi, j'accroche tout le temps quand je l'ai dit. C'est bien. Oui, oui, je poursuis. Oui, vas-y. C'est à mon tour. Donc, John, la préparation, son prénom, ça va être, on va se comprendre. John, en fait, c'est un artiste qui vient de Chicoutimi, mais qui habite à Montréal. C'est un jeune artiste, en fait. J'ai vraiment fait le saut. Il fait vraiment une démarche très, très, très, je pourrais dire intellectuelle, conceptuelle, avec son tout jeune âge. Mais bon, on s'arrête pas trop là-dessus. Il a aussi fait des études en art interdisciplinaire. Donc, ça a vraiment un lien avec ce qu'on va voir au lieu. Et puis, en le googlant, parce que je le connaissais pas du tout, je me suis rendu compte qu'en ce moment même, à l'espace virtuel, il était censuré. J'avais déjà lu des articles. Oui, exactement. En fait, c'est que, à l'espace virtuel à Chicoutimi, il voulait, l'espace virtuel n'a pas autorisé la diffusion de plusieurs de ses œuvres parce que il ne respectait pas certains droits d'auteur parce qu'il voulait, grosso modo, ce qu'il voulait faire, c'était de reprendre une exposition antérieure qui s'appelait « Hors-champ » et refaire ces œuvres-là parce que lui, il questionne le concept d'auteur, il considère la notion de non-auteur pour donner forme à son travail, comme si la propriété intellectuelle des œuvres, c'était c'était des œuvres qu'on réappropriait, on appropriait une œuvre amenait l'autre, que finalement aucune œuvre nous appartenait vraiment. Donc lui, il avait décidé de refaire des œuvres des artistes d'avant, de l'exposition hors champ. Donc il y en avait cinq, dont Maria Portolesse, il y avait Arthur Renwick, Marc Séguin, donc la galerie a décidé de les contacter. Et puis la moitié de ces artistes-là disaient oui, je suis d'accord à ce qu'ils reprennent mes œuvres, et l'autre partie, non. Donc, mais là, il prenait carrément les œuvres de ces artistes-là. Non, en fait, il les refaisait parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, lui, c'est tout ce qui se passe là dans la technologie, puis comment est-ce qu'on reprend les œuvres, puis comment c'est vraiment il y a comme un recyclage d'images entre la haute culture et le flux de divertissement, et reprendre ça avec aussi des copies volontairement décalées, moins bien faites. C'est vraiment donc finalement, il voulait comme oui, il voulait vraiment se le réapproprier, cette exposition-là. Puis pour contrer des poursuites judiciaires, ben l'espace virtuel a décidé de ne pas présenter certaines œuvres. Mais lui, vu qu'il y avait la moitié de son exposition qui était censurée, il a dit ben, finalement, on la fait pas, cette exposition-là. Donc c'est en ce moment ce qui se passe à l'espace virtuel. Donc ça vous donne un peu une idée là de. Ben, ça met la table. Oui, ça met la table exactement. Donc John, tous ces concepts, il s'intéresse à la notion de l'appropriation, du détournement. Son travail explore beaucoup la production, la dissémination, en fait, l'éparpillement de l'art dans un monde saturé par la technologie. Il y a aussi une très forte réflexion critique sur le domaine des nouveaux médias, des nouvelles technologies. Et puis, comment est-ce qu'il traduit ça? Ben, c'est par des pratiques hybrides avec un contexte de ready-made, des jeux conceptuels. Il inclut la vidéo, la sculpture, l'installation, peinture, texte et Internet. Bref, tout ce qui a au lieu. Ouais, c'est ça, j'allais exactement dire. Exactement. Oui, c'est ça. Il a vraiment fait un éventail de ce qu'on voit. Donc, au lieu, c'est une exposition qui s'appelle Oblomov 3D. En faisant, Wikipédia m'a informé que Oblomov, c'est un roman d'un auteur russe, excusez-moi, russe, Ivan Goncharov, qui a publié en 1859 un livre, un peu un ode à la paresse. C'est un jeune aristocrate qui repassait ses journées dans son divan, qui trouvait jamais le bonheur. C'était quelqu'un d'inactif, vraiment paresseux, finalement. Et puis, on dit qu'en russe, le terme « Oblomov », ça symbolise une personne paresseuse. Puis, on dit aussi que « Oblomov » provient d'un mot russe qui signifie la cassure, brisure. Donc, Oblomov est un homme dont le ressort intérieur est brisé. C'est ce qu'on dit sur... Okay. Donc, ça donne aussi la table, ça met la table. Donc, au lieu, quand on arrive, première des choses, je lis le communiqué de presse. J'aimerais vraiment beaucoup vous dire les deux phrases qui m'ont donné un peu des indices pour comprendre l'exposition. Et je vais les répéter. D'évaluation productrice où l'objet de la marchandise est dénudé de substance pour réaliser son économie. D'évaluation productrice où l'objet de marchandise est dénudé de substance pour réaliser son économie. On donne comme exemple Coke Zero, café décaféiné, objet d'art. Et puis, on parle d'un monde hyper relationnel axé sur le flux et la vitesse des images. L'artiste sert de lubrifiant à ces situations décontextualisées. C'est comme s'il était le messager. Mais là, c'est, ça, c'est les deux phrases qui nous expliquent le verdict. Ben ouais. Pas le message d'exposition. Il faut quand même s'arrêter là, pour bien réfléchir. Puis... oui, oui, oui, absolument, absolument. Là, mais là, dans, le, dans l'exposition, il y a un cube avec quelque chose, un peu avec la condensation, avec du brun. Ben en fait, je pense que c'est du oui, c'est ça. Zéro, là, hein? Je m'informe. Je m'informe à la fille qui travaille là. Je dis, allô, c'est du coke? Oui. OK. Je vois, il y a une peinture très minimaliste. Il y a, il y a une vidéo avec... avec des mots, il y a des affiches aussi avec une réceptionniste, tout ce qui est vraiment anonyme, une comme une publicité en fait, ouais, on a l'impression d'une publicité ouais. Mais où on connaît pas l'objet de la publicité puis on présente juste la fille qui va nous répondre au téléphone si on appelle. Là. Exactement. Puis ensuite il y a une peinture avec des mains, là je m'informe encore, je dis allô, les mains c'est quoi? Ben de la magie. OK, bon de la magie. Bon, le char de là vraiment un peu désorienté, je me dis bon, je comprends pas partout. Qu'est-ce qui se passe? Donc en faisant mes recherche, le cube de condensation, ce qu'il représente, c'est pas ce qu'il représente, mais en fait, c'est un clin d'œil d'une sculpture réalisée par Hans Hacke en 1963, que lui avait fait un cube de condensation, mais que c'était de l'eau distillée. Donc, lui, il s'est réapproprié cette sculpture-là pour en mettre du coke zéro, bien sûr, parce que tout ce qui est là-dedans, c'est du coke zéro. Ensuite, les mains de la magie, c'est comme si la magie, finalement, n'existait pas vraiment, parce que c'est toujours des trucs qui sont cachés, le coke zéro, le café décaféiné. Donc, c'est comme si on enlevait le sens aux choses. Et puis, les poésies, l'écran avec les mots, c'est tous des mots dans le domaine de la mode, du show business, la marchandise, pornographie. Tu sais, les mots choc, là, tu sais, quand on il y a une annonce à la télé, il y a tel mot, ben c'est ces mots-là qu'il a repris, dont son nom, tu m'as fait remarquer, mais j'avais même pas remarqué qu'il y avait ça. Donc, c'est vraiment... Il y en a plusieurs, hein, je pense que ça déroule quand même dans un certain temps. Là, je peux pas dire la boucle elle se fait au terme de combien de temps, là, mais c'est assez long. Oui, exactement, exactement. Et puis, la réceptionniste qui s'appelle Maintenance, c'est une femme, une belle femme, anonyme, justement. Elle aurait pu être n'importe qui. On ne sait pas ce qu'elle vend. C'est une affiche publicitaire, mais on ne sait pas ce qu'elle vend. C'est comme là, un peu, mais toutes les œuvres, finalement, c'est comme si on avait retiré leur sens. C'est comme, j'ai eu l'impression que c'était le contraire. Les œuvres minimales, c'est d'enlever le plus de traits. Et pas esthétique, mais arriver au minimal pour qu'il reste du sens. Mais j'ai eu l'impression que lui, il a enlevé tout ce qu'on pouvait enlever de l'objet pour que l'objet ne vale plus rien. Oui, qu'il devienne carrément anonyme et non significatif exactement. Dans une certaine mesure. Oui, exactement. C'est ce que j'en suis arrivée là. Et puis aussi, j'ai trouvé même qu'il y avait... Ça allait tellement... Déjà, dans le communiqué de presse, on nous dit presque rien à part les deux phrases. Sur le site Internet, on nous dit presque rien. Parce que, ben, c'est sûr qu'on peut ne pas avoir beaucoup d'expérience, mais aussi dans les... C'est une réflexion. C'est très, très conceptuel comme travail, mais j'avais aucune... même dans sur le site, c'était très difficile d'avoir de l'information. Il fallait vraiment ou connaître les artistes comme le cube de condensation, ou ben lui, il l'a dit, puis je le remercie, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe. De comprendre ces liens-là, en fait, que ça soit pas juste fermé sur soi-même, mais que ça... Oui, exactement. Qu'on puisse le voir. Puis la même chose avec le film de l'avant-garde. En fait, ce qu'il a pris, c'est qu'il a fait une... Il a capturé une image de lui, une vidéo que lui, il reste, puis un peu stoïque, sans expression, regarde, il se passe rien. Puis il a repris des... un peu l'esthétisme des vieux films d'avant-garde avec tu sais, comme quand on voit de la neige ou les couleurs, ou tu sais, comme les vieux Polaroid qui ont changé de couleur, tu sais. Mais... tout en n'ayant aucun lien avec ce qu'on voit finalement. Donc, c'est vraiment, toutes les œuvres sont dénudées de sens. Et puis, je me demandais aussi pourquoi Oblomov 3D, ça m'a ramené à ça, parce que le Oblomov, c'est le paresseux. Je me dis, est-ce que il est paresseux au point à nous donner aucun indice pour qu'on puisse comprendre, tu sais? Puis en même temps, ça a du sens parce que tout est dénudé de sens. C'est vraiment, moi, l'impression que j'ai eue, là, si d'autres personnes qui ont trouvé la réponse... Écrivez-nous sur aérospatiale.wordpress.com. Écrivez-nous un commentaire. Oui. Oui, parce que la démarche d'enlever le concept est super intéressant, mais tu sais, rendu là où que quelqu'un me l'explique, parce que les œuvres, quand on pose une question, puis on dit, ben c'est de la magie, ah, OK, ouais, tu sais, je trouve que... Il manquait un peu de médiation, d'interprétation, de... Oui, parce que ça peut être une exposition super intéressante, mais je sors celle-là. Une chance qu'il existe Internet, finalement. Justement, lui, il en parle beaucoup d'Internet pour que ça nous donne des indices, parce que sinon, ça aurait été le néant, totalement. Et que ta recherche ait plus de sens que les termes qui sont présentés dans sa vidéo, comme Kardashian, pornographie, etc. Donc, oui, c'est ça, oui. Quand c'est tu ça. Me parles de paresseux, moi, ça me fait penser, justement, à, dans le fond, on a Internet, c'est toute une source de savoir qu'on a. On a accès à presque tout. Puis, dans le fond, ben, on s'interroge sur les célébrités, on va voir de la pornographie, on regarde des photos de Minou, puis des vidéos drôles, mais au final, il y a comme une paresse intellectuelle aussi. Moi, je vois peut-être la paresse dans ce sens-là. À utiliser ces mots-là, peut-être que c'est des mots aussi super publicitaires ou des médias là, qui utilisent abondamment ou en plus, c'est des mots, il y avait comme Lady Gaga, il y avait des grandes vedettes aussi. Il y a peut-être de la paresse dans utiliser des vedettes parce qu'on les connaît, parce que c'est ça que les gens veulent, c'est ça, au lieu ou que de les gens, autre, tout quoi. Simplement aussi, ne cherchent pas plus loin. Mm-hmm. Oui, de curiosité, c'est peut-être nous autres qu'on est paresseux. Peut-être, effectivement. Oui. Écoute, Anouk, merci beaucoup d'avoir fait tout ce beau travail de recherche et d'analyse. Oui, c'est ça. Là, j'ai laissé ma paresse de côté. Et puis je suis allée voir jusqu'au fond. Voilà, donc c'était merci John beaucoup. Boy Singfield au lieu. On fait une pause audio. Une pause audio. On écoute Pas de chat sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un extrait de l'album Pattern Recognition de Tsone. C'était, encore une fois, je le répète, une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement. Également, l'émission en balado, diffusion, les liens de la revue de presse de Raymond Poirier et des communiqués relatifs aux arts visuels à Québec sur le site laérospatiale.wordpress.com. Février à Québec, c'est quand même un gros mois. Et notamment, ben, vous savez, le carnaval de Québec, là, on le connaît bien en masse. Mais aussi, depuis quelques années, il y a le Off Carnaval. Et cette année, pour la première fois, Ex-Muro participe à cet événement-là avec le Projet Zéro. Pour en discuter, on rencontre Vincent Roy, directeur artistique d'Ex-Muro. Bonjour Vincent. Bonjour Julie. Ça va bien? Oui, très bien toi-même. Oui, j'imagine qu'en ce moment, vous devez être en pleine installation? On est plein dans le montage, oui, effectivement. Là, on a à peu près la moitié de fête, je dirais. OK. Cette année, vous avez décidé de collaborer avec le Off Carnaval. Qu'est-ce qui a mené à cette collaboration-là? En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que moi, ça faisait quelques années qu'il y a un projet qui me trottait dans la tête, l'affaire l'hiver avec la neige, avec la glace. Et cette année, ben, ça a fonctionné. Et maintenant, ben, moi, je connaissais le Off Carnaval à ses débuts. Le cercle avait initié ça. Ça fait trois ans déjà. 3 ans, je pense. Oui, donc je me dis bon, ben ok, il faut faire quelque chose avec eux autres. En même temps, tu sais, on veut rappeler, nous autres, c'est un petit clin d'œil aussi aux expositions dans les belles années là de la rue Sainte-Thérèse. Donc je me dis bon, ben ok, on fait quelque chose avec même Marjorie, avec les Duchesses et le cercle. On va créer un événement là plus consistant du Off Carnaval. Puis dans le fond aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, bon, le Carnaval de Québec, est-ce qu'il s'adresse réellement aux gens de Québec? On n'en est pas tellement certain, alors que le Off, c'est comme une manière de se le réapproprier là, pour les habitants de la ville. Ben, nous autres, c'était ça, en fait. Moi, comme je te disais, avec le projet Zéro Degré, c'était le lien avec les sculptures de glace et de neige, réinventées, bien sûr, à la sauce heure actuelle. Moi, ce que je voulais, en fait, c'est justement se réapproprier une fête qui nous ressemble pas mal plus, en fait, qui me ressemble un peu plus, qui ressemble plus à Saint-Roch aussi. Il n'y a plus beaucoup de choses pour le carnaval dans le centre-ville, et nous, ben, on a dit, ben tiens, on va en mettre, nous autres, on va travailler. Nous autres, de toute façon, avec Exmuro, on a l'habitude de travailler dans Saint-Roch. On a fait beaucoup de projets là, dans Saint-Roch et on continue de cette façon-là. Et tu parlais tout à l'heure de la rue Sainte-Thérèse. Peux-tu en parler, oui, à une profane qui est non native de Québec? La rue Sainte-Thérèse, en fait, c'est maintenant, c'est Raoul Jobin. La rue, là, c'est une rue qui est résidentielle du quartier Saint-Sauveur. Et à l'époque du carnaval, il y a peut-être une vingtaine d'années, certains, il y avait des expositions de sculptures de glace. Les gens, les citoyens s'appropriaient la fête et ils faisaient eux-mêmes leurs sculptures. Puis il y avait tout un parcours. Là, il y avait les fameuses voûtes chez Tipper, qui étaient à Saint-Sauveur même. Donc c'était vraiment un lieu très, très important du carnaval à l'époque. OK, bon, ben merci, parce que je voyais ça, la rue Sainte-Thérèse, puis j'avais vraiment aucune idée. D'ailleurs, pour on a vu vraiment le potentiel de travailler en off carnaval avec les deux partenaires, là, le cercle et la revengeance. On voit une vision, à long terme de ça. On veut développer ce projet-là, puis on pense même refaire les voies de chez Tipper. Ah oui, OK. Oui, les authentiques. Bon, mais ça sera à voir dans les années probablement à oui, venir. Ce que vous nous proposez avec Projet Zéro Degré, c'est un parcours extérieur entre le presbytère de l'église Saint-Roch et le parvis de l'église Notre-Dame de Jacques-Cartier, puis un, oui, parcours intérieur au cercle. C'est possible de nous présenter un peu qu'est-ce qu'on va voir? Oui, en fait, la rue Saint-Joseph. Donc, il va y avoir en tout 9 artistes qui ont travaillé sur le projet. J'ai voulu comme thématique, si on veut dire, on voulait travailler avec l'hiver, ok, avec le froid, ça va de soi. Le matériau qui est la glace aussi, la neige. Évidemment, on veut sortir du conventionnel aussi, des sculptures plus traditionnelles. Ah oui, on va dans le territoire de l'art actuel. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai sélectionné des artistes en ayant ce souci-là, justement, bon, qui sont capables de travailler en in situ l'hiver. Et il y avait aussi une ouverture aussi à se compromettre aussi artistiquement, là, parce que c'est des nouveaux... Il n'y a pas personne qui avait déjà travaillé de la glace dans nous autres. Là. Ça fait que c'était vraiment un beau territoire d'expérimentation. Donc il y a des sculptures, il y a de la photographie, de l'installation, il y a un œuvre sonore aussi. Donc il y a un mélange quand même assez intéressant et on se questionne vraiment sur l'hiver, sur cette période de l'année qui est un peu spéciale par rapport au restant de l'année. Les temps des fêtes est terminé, il est trop tôt pour penser au printemps, et on est comme dans un creux, dans un entre-deux, là. On se remet souvent en question, il y a un petit down. Pour nous, c'est un moment assez intéressant à souligner, et aussi en lien avec la matière qui est la glace, qui est une matière très, très solide, mais en même temps très fragile, éphémère. Donc, il y a une temporalité qu'on a essayé d'exploiter ici. Puis il y en a qui l'ont exploité plus au niveau formel, avec Frédéric Saillat, par exemple, qui lui a coulé son bloc de glace lui-même sur le parvis de la bibliothèque. Ça fait 2 semaines qu'on l'arrose puis qu'on monte le bloc, la structure. Et lui, il va intervenir avec et il va laisser sa structure en fait se faire modifier par le temps, le soleil, le vent. Il va avoir un procédé mécanique aussi qui va transformer sa sculpture avec de l'eau qui va ajouter dessus. Donc, ça va être une œuvre vraiment évolutive. André Barrette, lui, prend les codes. Il travaillait beaucoup avec la plage, avec l'idée des plages. Donc, il va nous faire une Playa Norte. Ah, ouais? Plage sur la rue Saint-Joseph. Il va y avoir une signalisation, une signalétique de plage sur des panneaux de signalisation, des vrais panneaux de construction. Donc, il va poser des photographies dessus avec... c'est une plage imaginaire, bien sûr. Oui, c'est une plage c'est ça, dans notre tête, là, finalement. Effectivement. Escadieux, elle, qui travaille beaucoup l'objet, la photographie, mais l'objet, et se questionne la désuétude des objets, les objets qui sont voués à disparaître. Pour l'occasion, elle a coulé directement des objets dans les blocs de glace. Donc, elle va nous faire une espèce de mur type columbarium, là, pour se recueillir devant ces objets qui vont, soit sont morts ou qui vont mourir, effectivement. Ah oui. Donc, vraiment en lien avec le caractère éphémère de la glace, justement, le temps qui passe. Hein? Exactement. Certains ont vu déjà le montage. Le Patrick Altman, il est sur le long de l'église Saint-Roch avec un autoportrait en grand format devant lui, un mur de glace avec à l'intérieur qui flotte des petites images d'archives de sa vie à lui. Donc, lui, c'est un peu l'homme face à le bilan de sa vie. Mais c'est intéressant ça, parce que l'hiver aussi, ça reste quand même quelque chose d'assez fondateur hein, dans notre identité. Oui, comme nord-américain, comme étant nordique aussi, là, ça joue beaucoup. Effectivement, je pense qu'on est assez contrasté à cause de ça comme peuple. Puis aussi, ben l'hiver, on a un rapport un peu amoureux hein, aussi avec l'hiver. Certains l'aiment, d'autres le fuient. On l'aime un bout de temps, mais à un moment donné, on a hâte que ça finisse. Donc, vraiment, on passe du très froid, on l'a vu la semaine passée, puis au très chaud, mercredi, il va mouiller. Ça fait que, veut pas, je pense qu'on est influencé en tant que personne, c'est sûr. Puis aussi, bon, là, on parle d'œuvres extérieures, mais il y a des œuvres intérieures. Et comment, justement, ça va se présenter, les œuvres au cercle? Parce que là, tu parlais de glace, de neige. Oui, ben on va pas les travailler en dedans. Effectivement, on a imaginé un parcours, c'est ça, qui part d'une église à l'autre, l'église de Saint-Roch jusqu'à l'église du clocher penché. Et on arrête au cercle en passant. Donc, il va y avoir des œuvres parmi... les artistes, il y a Louis Jam, qui expose à l'extérieur, mais il va exposer aussi ses photographies à l'intérieur. C'est des portraits d'enfants de la guerre de Sarajevo. Donc, c'est un projet 20 ans plus tard là, qu'on remet, qui a été mis sous la glace, et maintenant, on le remet à l'avant-plan. Il y a aussi une œuvre de Caroline Gagné, qui se retrouve aussi à l'extérieur. Mais il y a un volet intérieur aussi. Okay. Elle se questionne aussi Elle fait une recherche sonore beaucoup sur les choses, et maintenant là, elle a gelé un micro avec des éléments chauffants à même le bloc qu'elle va activer, et elle va nous faire entendre le son de la glace qui fond. Dans le fond, les éléments vont se chauffer par l'intérieur. Okay. Et il y a un micro qui va capter ça. Donc j'ai hâte de voir, ça va être assez fascinant, je pense, le son que ça va donner. Donc il y a une version à l'intérieur au cercle, au sous-sol. Et des étudiants en architecture également qu'on a invités. Je voulais avoir une façon différente. Les artistes en architecture ont une façon de percevoir des choses. Les étudiants en architecture aussi ont une autre vision. Donc, d'autres, ils nous proposent une espèce de petit village, de petites chaumières éclairées. Comme si on les voyait de haut. Donc, des petits blocs au sol avec des ampoules à l'intérieur qu'on va pouvoir... je vais chercher le mot français. En fait, il y a des réostats qu'on va pouvoir baisser et tourner. Donc, on va pouvoir jouer avec l'intensité de la lumière. Il va y avoir aussi une œuvre au cercle. Donc, les artistes qui se retrouvent dehors, certains vont avoir aussi une version intérieure. André Barrette avec ses pancartes de plage vont être à l'intérieur. Et voilà, ça complète, je crois. J'ai complété le panorama du parcours. Mais moi, j'ai peut-être une petite question en terminant. Tu disais, bon, entre deux églises, est-ce que c'est volontaire? Les églises ou ben, ça donnait tout simplement que, géographiquement? Ben c'était inconscient. J'ai toujours vu d'une église à l'autre. Je pense que dans un centre-ville, de toute façon, surtout dans Saint-Roch, on est beaucoup. Beaucoup de choses qui se passent entre les deux églises, mm-hmm. entre ces deux églises-là et autour de ces églises-là. Donc, pour moi, c'était deux points de rassemblement qui étaient, oui, symboliques, qui n'ont pas... ça n'a pas une forte valeur religieuse, là, non. Mais quand même, c'est des bons points de repère dans Saint-Roch. Bon, ben Vincent Roy, le vernissage est le 1er février à 17h à la plage Jacques-Cartier et à 19h au Cercle. Oui, plage Jacques-Cartier étant le parvis de la bibliothèque, on va servir des petits réchauffements, des petits une petite ponce et un petit café avec du fun dedans. Pour ah ouais? Tous ceux qui vont vouloir se déplacer. Et ensuite, on finit ça au Cercle, effectivement, à 19h. Voilà. Donc, les expositions sur la rue Saint-Joseph, c'est jusqu'au 10 février. Au oui. Cercle, jusqu'au 27 février. Ben, Vincent Roy, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, on discutait de projet Zéro Degré d'Ex-Muro. On s'en va en pause audio. On écoute Occlusion. Là, c'était en fait une très, très courte pause audio, Occlusion de Tson sur les ondes de CKRL. C'est déjà l'heure de la fin de l'aérospatiale, oui, j'ai eu la difficulté à prononcer. Donc, la fin de l'émission. En terminant, des petits éléments à mettre à votre calendrier. Le vernissage de Resonant Platinum Records de Gordon Monahan à la Galerie des Arts Visuels le 31 janvier à 16h également. Le 31 janvier 5 à 7, ouverture de la résidence d'Adeline Schweitzer à la Chambre Blanche. Playa Colonial joue toujours au cinéma Cartier, le film de Martin Bureau et Luc Renault. Et sur ce, ben, c'est l'heure de terminer. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous laisse avec Gilles Chaumel et son émission Folk d'Amérique.